faut qu'il prenne un break. Parce qu'ils se sont vidés, puis se sont vidés, puis se sont vidés, puis se sont vidés, puis se sont vidés. Mais c'est le même principe. Puis un jour, vous allez apprécier d'être indépendant de mon esprit. C'est comme Gisèle. Gisèle est bien occupée. Les gens, ils l'appellent. D'accord, c'est ta job, patata. C'est un in-between. Mais quand vous réalisez que sa journée commence à 9h le matin et se finit à 2h du matin, c'est long. Puis ce qui arrive, c'est que quand vous l'appelez à 9h du matin, automatiquement, elle tombe sa vibration, puis là, elle finit. Il faut qu'elle parle toute la soirée. Je suis obligé de dire le téléphone, décroche-les, accroche-les jusqu'à 2h l'après-midi au moins. Tu vas dormir, sans ça, tu vas être plus. Puis après ça, elle me dit qu'elle est fatiguée. Là, je suis obligé de lui donner un choc pour lui faire comprendre. Mais là, j'ai le téléphone. C'est la fin du monde. C'est le commencement de la fin du monde. Mais entre vous autres, il y a du monde entre vous autres. Il y a des pignons un peu partout entre vous autres. Ces gens-là, quand vous avez des rencontres extérieures, là, ça leur fait plaisir de vous parler parce que vous ne troublez pas leur vie domestique. Vous pouvez leur parler, ils vont vous jaser. S'ils ne sont pas capables, ils vont vous envoyer un autre. Ben, c'est ça. Quand ils sont plus capables, ils envoient un autre. Il y a des cas particuliers, des cas qui sont difficiles. Mais au moins, quand vous voyez, jasez-vous. Il dit que Croteau, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je les amène, eux autres, Croteau puis Bessette? Faut que m'écouter dans les conférences. Je les amène parce que j'aime ça qu'ils soient ici. Parce que je veux que tout le monde les connaisse, ces deux hommes-là. Monsieur Lévesque, c'est la même chose. Il reste tellement loin. Je veux que les gens les connaissent, parce qu'au moins, plus tard, ça vous aurez des points de référence dans des cas particuliers qui ne sont pas nécessairement liés à vous autres, mais peut-être d'autres personnes. Habituez-vous à être indépendant d'esprit. Et c'est pas parce que je vous dis ça, là, qu'il faut que vous preniez l'attitude de pas me voir et être gêné de me rencontrer et de m'en question. C'est pas ça, mais puis. Pour vous autres, même, je peux pas vous donner la pilule. Ma vie est toute destinée à la dédorer, la pilule. Je peux pas vous la dorer. Il y a des gens parmi vous autres qui sont suffisamment sensibles. Mais l'enfant, ça met un autre, ça. Elle a ses problèmes, elle aussi est en transmutation. C'est une femme qui peut donner des conseils à beaucoup de femmes dans toutes les... Il y en a d'autres. Un qui sait d'asseoir, il y a Croteau, il y a lui, il y a elle, il y a Thérèse, le pas belle. Il y a lui qui commence à se sensibiliser à son propre intérieur. Puis il y en a d'autres qui poussent, mais il va pas vraiment gros. Je vous le dis, 17 à 4 ans, vous ne voudrez plus voir personne d'autre que vous-même. Vous ne voudrez plus parler avec personne d'autre parce qu'il n'y a plus rien à dire. Vous ne serez plus à faire la journée. Fait qu'habituez-vous à vous rencontrer. Il y en a qui n'ont pas des personnalités qui sont croches, ça fait pas. Mais il y en a qui sont, ils ont des personnalités assez équilibrées pour pouvoir servir un peu d'entre-gens avec d'autres personnes. Vous connaissez mon enfant, c'est un exemple. Puis si ils sont pas capables de vous répondre, ils vont vous le dire. Il y a elle ici, là, qui commence aussi à comprendre les affaires. Oui, puis. Oui. Madame Bessette, c'est un autre. Découvrez-vous, puis voyez ceux parmi vous autres qui sont le plus aptes à vous donner des réponses. Vous autres, des fois, ça vous apparaît de grosses patentes pour eux autres, comme étant en dehors de la situation, pouvant vous verbaliser assez objectivement ce qu'ils sentent. Ils vont vous le dire. Mais je peux pas vous refuser de vous répondre à vos questions. C'était la base de toute ma présentation au peuple québécois. Mais je suis obligé par des moyens qui vous sont pas encore obdits. Vous réunir. Dans une sorte de conscience anonyme. Des individus ensemble qui sont sans même longueur d'onde. Il y en a un autre, le grand en arrière, je sais pas comment tu t'appelles, là, mais des temps. C'est un autre, là. Qui a l'esprit assez sensible intérieurement pour vous donner des réponses. C'est pas nécessaire que vous soyez vous-même totalement centré pour pouvoir donner des réponses à d'autres. Mais au moins, il y en a parmi vous autres qui ont dépassé le stage de donner des conseils, puis qui peuvent simplement vous éclairer parce qu'ils sentent la vibration de ce qu'ils disent. Ces gens-là ont leur valeur en or. Parce que les temps qui viennent vont être très difficiles, à la fois sur le plan matériel comme sur le plan psychologique. Puis je veux qu'il y ait le plus de personnes possibles disponibles quand moi, j'aurai fini mes activités pour que ceux qui doivent encore recevoir certains éclaircissements puissent le recevoir, surtout ceux qui sont de type émotif. On doit être totalement indépendant de mon esprit. C'est essentiel. D'ailleurs, je vais le forcer, ça, à que je m'appartienne. Parce que j'aurai plus de choix. Je ne fais pas partir comme un sauvage. Vous pouvez pas vous permettre d'être lié à mon esprit sur le plan psychologique. On est lié sur le plan vibratoire d'un groupe. Il y en a qui rêvent à moi, hein, si vous voyez dans la cuisine, dans le fond de la cuisine. Une chose. Sur le plan psychologique. Il y a une chose que je veux vous dire. Des fois, je vous dis quelque chose. Et deux semaines après, trois semaines après, ou un mois après, paf, ça vous pète dans le front. Quand ça vous pète dans le front, ça veut dire écoute, comprends, saisis, arrête-toi, regarde-les de tous les bords. Cache-toi pas en dessous du couvert. Parce qu'ils vont vous raccrocher encore. Au niveau de votre ego, vous pouvez même vous oui, c'est fait, normal. Au niveau des forces, vous ne pouvez pas vous assister avec d'autres. Parce que je vous dis, fais attention à ça. Faites attention à ça. D'abord, je ne parle pas pour rien. Je ne suis pas capable de dire un mot sans qu'il y ait une raison. Les mots que je dis, même si je sais qu'il y a une raison. C'est pour ça que quand on est ensemble, qu'on passe 5-6 heures ensemble, puis il y a quelque chose qui colle à vous autres. Parce qu'il y a toujours quelque chose pour chaque tête. Prenez-les le chapeau. Prenez-les le chapeau, puis attendez. Mais si vous le niez, vous pétez ça dans le crâne. J'ai un esprit multidimensionnel, je vous connais tout, je vous comprends tout. Je peux vous parler à tout le monde ensemble, parler à tout le monde individuellement. Fait que vous avez la chance d'absorber énormément de matériel, de matériel, de matériel, de matériel, de matériel, de matériel, de matériel. Pour vous permettre de vous sortir une fois pour toutes de votre psychologie subjective, puis de rentrer dans la psychologie de l'art. Lui, le grand avec un chandail vert, je pense qu'il est une incohérence de Kijiki. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'une conférence pour apprendre en saisissant. Quand tu viens à la conférence pour apprendre en saisissant, il vient un certain point où tu es capable de saisir toutes les nuances de ce que je dis. Tu déformes, tu es au-dessus des mots complètement. Tu rentres dans la vibration. Cette vibration-là te suit à tous les jours, pendant toute la semaine. De sorte qu'il se développe dans ton esprit une sorte de conscience quasi permanente. T'as-tu du bon sens à ce que je dis ça? C'est pas parce qu'il vient tous les fois que je perds. Mais c'est parce que je sais ce que ça donne. Vous pouvez pas me comprendre, vous me comprendrez jamais. Mais moi, je vous comprends tout. Puis j'essaie de vous donner de l'information, du matériel, pour vous amener à vous comprendre, puis vous comprendre à un point tel que vous allez comprendre tous les autres. L'amour que j'ai pour vous autres, vous comprendrez avant. C'est pas un amour humain. Il n'y a pas d'émotion dans cet amour-là, rien que de l'énergie. Puis entre vous autres, le même amour, faut qu'il passe entre vous autres. Puis il est là entre vous autres. Servez-vous-en. Avant, au début, vous étiez des étrangers, après vous commencez à être comme des amis, puis donc, là. Puis il va venir un point où vous allez me voir, puis c'est comme si vous aviez connu depuis 20 ans. Apprenez à vous apprécier les uns les autres. Vous êtes au stage, vous pouvez vous apprécier les uns les autres. Puis lâchez-moi en paix. Moi, je peux pas avoir de relation avec vous autres trop étroites. Ça n'est pas permis. Vous rentrez là automatiquement dans une initiation solaire. Vous souffririez si vous étiez en étroite relation avec moi. À un point que vous ne pouvez pas supporter. Hein. Mais à distance, vous pouvez participer à mon énergie, bénéficier de mon énergie. Puis mon énergie est plus claire. Ça n'a pas de sens. Mais constituez-vous en tant que conscience collective, basée sur des individus qui ont certaines sensibilités qui peuvent vous expliquer des choses, des choses. Devenez indépendant de mon esprit. Ah, ça vous l'a dit, mais il de mon esprit. Mon esprit est trop puissant pour votre esprit. Un jour, mon esprit pourra être égalisant avec votre esprit. Parce que vous avez trop d'émotions. Le rapport entre vos esprits, c'est un rapport qui est naturel. C'est un rapport avec lequel il y a de l'émotion et du mental. De sorte que vous ne pouvez pas vous faire souffrir les uns aux autres. Même si vous êtes dans la vibration. Si vous avez des rapports avec un esprit dans lequel l'émotion est totalement divisée, à ce moment-là, c'est automatique. Vous êtes obligé de souffrir. Vous ne pouvez pas souffrir. Gisèle est près de moi. Elle est obligée de souffrir pendant 5 ans de ma personne, de mon énergie, jusqu'à temps que ça, le travail soit fait pour qu'elle puisse être en harmonie avec votre être. Elle va faire. S'il y a quelqu'un qui sait comment elle va se faire, moi. Très dur. Même elle, Christiane, elle connaît un peu de ce passé-là. Je l'avais vu dans le temps. Parfait. J'ai coupé avec elle pour pas qu'elle souffre. Elle m'a eu assez de souffrance. Plus vous vous unissez, plus vous vous unissez à mon esprit, plus vous êtes sujet à souffrir. C'est automatique. Fait que c'est que je fais, je fais des barrières. Comme M. Bessette. M. Bessette, je fais des barrières. Je le vois de temps en temps. Fait que j'ai pas l'intention que M. Bessette souffre de mon esprit. Il y a eu assez de souffrance. Je peux souffrir la même chose. C'est très dur, une vibration. Vous êtes au début d'un nouvel art. Vous vous dites comment est-ce que vous êtes. Vous n'avez rien plus tard. Vous êtes comme des enfants qui viennent au monde. Les enfants viennent au monde, ils grandissent, ils savent pas qu'ils grandissent, ils grandissent, ils mangent, ils font pipi, ils font caca. À un certain âge, ils réalisent qu'ils sont dans le monde. À 21 ans, là, le gars pour qu'il aille travailler, là, ça va mal. Là, ils réalisent qu'il est dans le monde. Avant ça, ils réalisaient pas. Mais au niveau de la conscience cosmique, la sixième race, sur le patatin, vous êtes dans exactement la même situation. Vous êtes comme des enfants, puis vous voyez pas pour un iota ce que vous allez vivre dans 20 ans, c'est ça. Vous rêvez à ça. Vous rêvez des lignes. Vous rêvez en couleur. Vous voyez des choses dans l'astral. Mais ce que vous allez vivre dans ce temps-là, vous n'avez pas une idée. Parce que vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Puis c'est terrible avant d'être très beau. C'est terrible avant d'être très beau. Sans ça, il n'y aura pas de raison que je sois venu sur le plan matériel à telle date, dans tel temps, vers la fin. Il n'y aura pas de raison. Il y a des gens assez spirituels, mais ça va rentrer dans cette affaire-là, comme les animaux dans l'âge de Noé. Mais il y a une préparation essentielle qui doit être faite. Parce que, ça va être très vite fait. Je l'ai vu demain. J'y vais encore plus loin que demain. Il y en a parmi vous autres qui vont sur les plans, puis qui voient, puis qui entrent en relation avec des entités, des forces intelligentes. Et ça, c'est rien qu'un aspect de ça. Wow. quand vous êtes en relation avec ces forces-là, sur des plans qui vous sont encore inconnus aujourd'hui, que toute la Terre, que toute la planète va être soumise à des forces d'invasion extraordinaires de tous les coins de la galaxie. Que l'humanité, la petite humanité, va être obligée de concentrer toute son énergie pour empêcher la pénétration de ces forces-là. Que l'homme contrôle sa propre évolution. C'est pour ça que je vous dis, préparez-vous lentement à vous couper de mon esprit, à fonctionner sur votre propre énergie. Vivez-les vos expériences. Gueulez tant que vous les sacrez, tout ça. Ça vous verra. Je vous mets des cassettes à votre disposition. J'en ai 700 devant moi que je travaille. Pour vous aider à résoudre et à comprendre tous les aspects de tous les problèmes. Ces cassettes-là, c'est pour vous autres que je laisse à M. Bessel vous en prie ce que vous voudrez mettre au feu si il est fort. Au moins, avec Schpat, vous allez avoir une librairie en masse sur tout le matériel. Ça ne va pas de même, ça va continuer. Parlez-vous entre vous autres, parlez-vous. Vous allez avoir plus de réponses en parlant à un autre qu'en vous répondant à un autre, parce que l'autre, c'est des têtes de cochon. Faut avoir bien souffert d'eux autres pour avoir des straight answers. Puis ceux avec qui vous pouvez pas parler encore, éliminez-les. Il n'y a pas une chose que je vous dis qui n'est pas importante. Pas, même si elle n'est pas importante. La fois, qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'esprit? Vous ne dites pas conscient. C'est un instantané, c'est un absolu. Ça se discute pas, le pouvoir de l'esprit. L'esprit, ça se discute pas. C'est bien en dehors de la spiritualité, là, tu m'as oublié ça. Une maudite snob. Quand je vous dis qu'on est ignorant jusqu'au bout des pieds, c'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir des problèmes. Parce que vous êtes constitué de telle sorte que vous vous en créez des problèmes. Fait que vos problèmes servent à renverser la vapeur pour que vous ne créiez pas de problème. Quand vous ne créez plus de problème, là, vous êtes rendu smart. Vous voyez le terre en maudit. C'est dur pour être clair. Parce qu'on a des sentiments. Puis on rationalise. Puis on rationalise. Puis on rationalise. On est au bout, les gens. Au bout du bout. Moi, je suis au bout du bout du bout. Il y a assez de connaissances intuitives dans toutes vous autres pour toutes les autres vos problèmes. Plus vous allez développer de l'intérêt personnel pour ceux qui sont sur votre longueur d'onde, plus vous allez avoir des jobs. Videz les forts. Mais s'ils se font vider, c'est leur problème, jusqu'à temps qu'ils se réveillent. C'est dur d'apprendre à ne pas se faire vider quand on est spirituel. On pense qu'on a une mission, on comprend-tu? C'est impossible. James Bond. plaît, vous autres. Quand vous avez 200-300 ans sup à vous autres, vous serez fatigué. Là, vous comprenez. Là, finalement, vous mettez la hache dedans. Mais il y en a un autre qui prend relève. Il y a toujours un voisin, dans le monde. Il y aura toujours des cons. Tout le temps. Quand il y aura plus de cons, on se rend à cette embrasse. C'est un mot du bout de site. Apprenez à vivre selon vos vibrations puis à pas rationaliser vos actions. Ça, c'est bien important. Parce que quand vous rationalisez vos actions, vous créez un égrégore, puis vous le remplissez, puis vous le remplissez, puis vous le remplissez, puis vous le remplissez, puis éventuellement, vous êtes capable d'en sortir. Cet égrégore-là. Rationalisez pas. Rationalisez pas. Mettez-vous sa loi d'action. Tout le temps, sa loi d'action. Sa loi d'action. Sa loi d'action. Sa loi d'action. Ça fonctionne tout le temps, la loi d'action. Ça peut créer des chocs. Et ça fonctionne tout le temps. Vous regardez en arrière, vous êtes tout content de ce que vous avez fait. Mais si vous rationalisez, vous allez vous créer des égrégores puis des égrégores. Ça va vous tenir, pas ni. C'est du magnétisme. C'est magnétique, ça. C'est fort. Vous avez le goût de venir me voir, venez me voir. Vous n'avez pas le goût, venez pas. Rationalisez pas si vous avez le goût. Prenez des décisions. Fonctionnez toujours des décisions. C'est des principes de vie. Quand vous rationalisez, vous engendrez en vous de l'émotion et des pensées subjectives. Puis ces émotions-là, puis ces pensées subjectives-là, un jour, devront être détruites. Ils vont vous les faire détruire, ils vont vous créer des situations, ils vont vous casser les pieds. C'est des chiens. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est venu jusqu'ici et qui a attrapé le chien. Je suis le premier. Je mettrais ça en Webster. Ça commence, vous, là, en arrière, dans vos émotions, ça se passe, hein? Surtout les femmes, vous. Checkez vos chats. Des hommes aussi. OK, je continue. Chez l'homme, l'interaction entre le discernement puis la sagesse spirituelle, c'est une interaction qui, à un certain moment, doit cesser complètement. À un certain moment dans votre vie, il faut que vous en arriviez à ne plus vivre au niveau de la sagesse spirituelle. Parce que la sagesse spirituelle, c'est une fonction motrice des groupes en évolution dans les mondes spirituels pour aider à la fois l'évolution de l'humanité, mais aussi pour s'aider eux-mêmes. Je vais vous dire une chose qui va vous donner un choc, mais je vais vous le dire, parce que ça va être, au moins ça va être imprimé une fois pour toutes. Tous les égaux, sur le plan matériel, comme sur les plans spirituels, sont ce que j'appelle dans mon thème graphique vampirique. Tous les égaux font quelque chose pour leur propre évolution. Comprenez-vous? S'il y en a, t'en as un contact, là, demande-leur si c'est vrai ce que je dis. Tous les égaux. Il y a des lois en arrière de ça que je vais vous expliquer avec le temps, avec l'instant.